Sona així l'obertura de Les Enfogues, un disc Les Enfogues amb Sarmania, amb un disc del 1993. És el que avui us recordarem al començament, en bona part, del nostre espai d'Olala Música amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Danse les uns avec les autres. Détruit. Valérie de Mercier. On nous prend pour des fous, ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout, on se fout de tout, on se fout d'être malheureux, on s'aime encore mieux quand. T'attendais pas, j'avais envie de te montrer la lettre que je vais envoyer pour passer dans Starmania. Qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je vais leur raconter ma vie. Est-ce que tu crois que ça suffit, ta vie? Mais ma vie, tu la connais pas. Je voudrais leur dire aussi tout ce que je ne t'ai jamais dit. Moi, j'étais un fils à maman. Et tous les soirs en m'endormant, elle me disait quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant. Dans la belle au bois dormant. l'après-midi, pendant que les gars du quartier jouaient au football ou au volet, moi je prenais des cours de ballet. Oh, ça ne savait pas d'amis. Oh, à 15 ans, ma mère m'a donné au gâteau d'anniversaire tout Tchaïkovski dans un gros frais. Moi j'ai couru chez le disquaire le lendemain pour l'échanger. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le premier amour de ma vie, s'appelait David Bowie. Sa musique a changé ta vie, j'ai changé mon nom pour lui, t'as changé ton nom pour lui. Je suis parti de chez ma mère, je suis retourné voir le disquaire, il m'a engagé comme vendeur, mais maintenant je sais ce que je veux faire. Diverses són les cançons que hem triat d'aquest disc de Les Enfoirés, d'aquest disc cantant Starmania del 1993, amb la col·laboració de les cançons que hem escoltat de Vanessa Paradis, de Jean-Jacques Goldman, André Lanti, també de Belén Mercier, Antonton David, o aquesta darrera de Renaud Ganson i Mike Jones. I també unes petites peces que escoltarem en Liam Foley i després en Josian Velasco i Pierre Palmagre, juntament amb la resta final, els restes del cor que ens acompanyen, com sempre, amb un altre dels discos que recuperem d'aquesta història magnífica que es diu en aquest Enfoirés, aquesta icona que des del 1986 agafa el nom d'aquest regrupament d'artistes i personalitats públiques que volen cantar en benefici, i ho fan sempre, de l'associació Restes del Cor, Restaurants del Cor, Restes du Cor, em penso que es pronuncia exactament, Restaurants del Cor, amb la seva traducció al català. La distribució gratuïta d'aliments és la fi d'aquesta associació. I tots aquests artistes al llarg dels anys hi han col·laborat, i nosaltres en diferents programes de la música. També els hem deixat que participessin amb nosaltres per explicar-ho una mica més bé o més malament, depèn de com es miri. Y'a plus d'avenir sur la terre. Y'a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le système solaire. Y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui puisse répondre à nos questions? À nos prières, à nos prières, oh, qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Qui nous dira ce qu'on fait là dans ce monde qui ne nous ressemble pas? Quand on arrive en ville, dans les banlieues dortoirs, c'est là où les honneurs descendent sur la vie. Qu'est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les tonards. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Les gars se maquillent. Ça fait rire les passants, mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre avant 30 ans. On dort dans des hangars. Journée tranquille, on passe incognito. Soit on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Dans la nuit souterraine et plongée dans le noir, l'on qui s'y promène ressort sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Dis-moi, c'est ce que disent les journaux du soir. Pas trop tard, de peur, on les gratigne vos jaguars. Préparez-vous pour la bagarre. La panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Écoutez, on va pas gâcher cette belle fin par des remerciements qui ennuient tout le monde. En plus, là, je suis tranquille. Il y a beaucoup trop de remerciements à faire entre la réalisation, la technique, les artistes et puis vous. Alors, je vais me contenter de remercier les deux personnes qui ont écrit Starmania, Luc Plamondon qui était dans la salle et Michel Berger. Et puis le dernier mot, il ne sera pas de moi, mais vous le connaissez bien. Si on compte sur vous. Salut. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Fa uns programes varen descobrir, mitjançant la col·laboració dels nostres oients, la música de Benjamin Violet. Van dir que els programes aniríem escoltant la seva música i els seus àlbums d'aquest artista nascut el 1973, compositor, músic, productor discogràfic, el germà més gran de la cantant Coralie Clement, els discos de la qual ha escrit i produït, exmarit també de Chiara Mastroianni, la filla de Catherine Deneuve i Marcello Mastroianni. Això ja us ho vam explicar en el seu moment, va néixer a Vilafranca, Sur-Saon. I escoltem cançons d'un disc del 2001, Rose Kennedy, es deia aquest disc de Benjamin Violet. pavillon de briques du lierre, quelque part sur terre. Une vie en demi-teinte, la lumière absente. C'est toujours le même film qui passe, quelque part sur place. Novembre, toute l'année. Toute l'année c'est novembre, le ciel est blanc. Le ciel est blanc, cassé. La pluie à contre-jour, le temps des retours, des grands départs dans l'autre sens. Quelque part, je pense. Novembre est éternel, la vie est presque belle. Les souvenirs sont des impasses que sans cesse on rassasse. Novembre, toute l'année. Toute l'année, c'est novembre. Le ciel est blanc, le ciel est blanc, cassé. Doncs així hem escoltat aquesta cançó, Novembre tot l'any, una peça que ja havíem escoltat amb el nostre programa, però és que d'aquest disc en podem escoltar unes quantes, i la veritat és que són magnífiques les cançons que en formen part d'aquest treball discogràfic que avui recuperem, el Ross Kennedy, des de l'any 2001, en la música d'en Benjamin. Disfruteu-la perquè és realment meravellosa. Des amours de rien, les roses et les promesses, les dimanches où l'on flâne, les mots qui nous enflamment, les roses et les promesses, un beau jour se fanent sans jamais rendre l'âme. Des silences et des fourrures.

dit seul au soir de sa vie. Si peu sont encore en vie, les nuits sont longues pour Rose Kennedy. We all breathe the same air. Dans le soleil sans moi, l'horizon ce soir est sans fin. J'ai vu ma vie défiler. Joe, le père, demande à maman à Boston sur le sable fin, le long des golfes verts glacés. Puis il partit un beau matin, laissant neuf otages au destin. L'Amérique a tout gâché, les uns et les autres ont fui. Et Rose est si seule au soir de sa vie. Si peu sont encore en vie, les nuits sont longues pour Rose Kennedy. Joseph d'abord est parti dans son libérateur en ir. Soit qui mal y pense. Jack aussi aimait en la vie, mais le Seigneur l'a lui repris. Tout fut joué d'avance, les uns et les autres ont fui. Et Rose est si seule au soir de sa vie. Si peu sont encore en vie, les nuits sont longues pour Rose Kennedy. Libre de finir. lire le livre où il s'arrête. Une plage s'échouer dessus. Une page qu'on n'avait pas lue. Ce n'est que l'ombre, l'ombre du début. Courte, la vie est courte, et comme je comptais dessus. Triste, que la vie est triste, lorsqu'on a déjà tout bu. Douce, la pente est douce, l'été au rang. Així l'hem escoltat i l'hem recordat a la nostra sintonia, excepcional amb la seva música. Com hem dit, més en tindrem en el decurs de propers programes de la seva discografia, Benjamin Violet, des del 2001, amb Ross Kennedy, aquest disc. Vam encetar fa uns dies també unes quantes cançons, és el que farem fins al final del programa, de música dels 80, cantada en francès a càrrec de diferents artistes. Per tant, què tal si comencem aquest resum que us volem portar a terme amb, per exemple, una cançó que ens arribava a càrrec de Bel Planet des del 1981, un dels records de la música en francesa que us volem portar aquí a Hola La Music. Hola La Music, amb Rafael Corbí. Il faut vraiment j'arrête de boire. Je commence à devenir jobard. Toutes les nuits je fais des cauchemars. Je rêve à des trucs bizarres. Je vois des bestioles de toutes les couleurs. Des animaux qui me font peur. Des gros lézards et des singes joueurs. Créatures venues d'ailleurs. Y'a une armée d'éléphants. Des cochons qui font des choses. Ils me poursuivent sans abri. Je peux pas pousser un cri. Y'a des dragons qui crachent du feu. Des chiens qui se courent après la queue. Des tamanoirs mal polis qui me cherchent des fourmis. Faut que j'arrête de boire. Je vois des crapauds faire trempette dans mon riz. Y'a des troupeaux de salettes au fond de mon lit. Oui, oui, oui, oui, oui. Sur mon piano y'a des cafards qui se plantent sur les touchoirs. Des araignées dans mon placard. Des serpents sous mon plumard. Y'a des méchants pendant mon sommeil qui viennent grogner dans mes oreilles. Mais y'en a d'autres qui vivent au soleil. Le jour, la nuit, c'est pareil. Y'a des armées d'éléphants roses. Y'a des cochons qui font des choses. Ils me poursuivent sans abri. Et toujours je m'enfuis. Des dragons qui crachent du feu. Des chiens qui me courent après la queue. Des tamanoirs mal polis qui me cherchent des ennuis. Mmh. pas pour faire tremper dans mon whisky. Faut que j'arrête de boire. Y a des troupeaux de sales bêtes au fond de mon lit. Faut que j'arrête de boire. Soit des crapauds faire tremper dans mon whisky. Faut que j'arrête de boire. Y a des troupeaux de sales bêtes au fond de mon lit. Faut que j'arrête de boire. Tres cançons del 1981 amb El Planet, en Caín Costa i Amélie Morin, que ens han acompanyat fins al final de gairebé el nostre programa, que encara té dues cançons més. Una del 1980 amb Annie Cordy i l'altra que ens arriba també amb Babette des del 1981. Salutacions de Rafael Corbí. Està tot amb aquesta edició de Hola la Música. Avec une rate des bidons, c'est une question de vibration. Imagine nous deux sous l'équateur, en Range Rover avec stéréo et climatiseur, nager dans l'eau d'un lagon. Quel pied, viens, partons, le monde s'est habillé d'avion. Trouver le filet, le côté animal, sur une île qui ne soit pas sur la carte. Sur quoi tu danses. laisse tout tomber, au moins pour quelque temps. Le bonheur, c'est de l'autre côté de l'océan.